Eh bien, bonjour à tous. En fait, bonsoir, bonne nuit, bonjour. Bref, c'est pas important. Nous sommes sur les internets. Donc, voilà, mon nom est Mickaël Michaud, ami, confrère, collègue, animateur de radio et autres projets les plus intrigants les uns que les autres. Et je reviens d'aller voir un film et certains attendaient ma critique de ce film-là, puisque je trouve ça très long d'écrire le tout et vu que c'est à chaud, j'ai décidé d'enregistrer le tout et de mettre ça sur Internet. Vous pourrez entendre la critique en audio au lieu de me lire. Je crois que ça va être beaucoup plus complet comme ça. Donc, je vais parler du film Les 47 Ronin, donc 47 Ronin, que je suis allé voir au cinéma, malheureusement en 3D. Je commencerai tout de suite par dire la 3D. Quand est-ce qu'on va en finir avec cette histoire-là? C'est d'un ridicule consommé. Ça apporte absolument rien au film en général. Et habituellement, la qualité est tellement ordinaire que dans les scènes d'action, souvent on en perd des bouts. Mais bon, c'est souvent, malheureusement, quand je vais voir des films en 3D, c'est parce que je suis obligé, avec l'horaire qui me met, avec mes disponibilités pour aller voir un film, mais souvent j'arrive, c'est la seule version disponible au cinéma alors que je peux y aller, c'est la 3D. Donc voilà, mais je vous dis tout de suite, ça vaut pas la peine d'avoir ce film-là en 3D. En fait, faut jamais voir des films en 3D selon moi, mais ça reste mon avis. Sinon, français, ça, je voudrais dire que peu importe si vous voulez le voir en anglais ou en français, je crois pas que ça va améliorer le film parce que comme vous pouvez l'imaginer, comme vous l'avez pu le détecter, j'ai détesté ce film. Moi, je ne dirais pas que ce film-là, c'est de la marde, mais parce que chacun ses goûts, ça se peut très bien que ça vous parle plus qu'à moi, mais bon, moi personnellement, ça m'a vraiment déplu. Je parle même pas de l'adaptation de l'histoire. C'est pas un mythe, là, c'est fait partie de l'histoire japonaise des 47 Ronins dont le maître a été tué et ils finissent par se venger en tuant le seigneur qui a trahi leur maître et en se suicidant après via seppuku. Voilà, c'est résumé rapidement. L'adaptation, je vais parler vraiment, j'en parlerai pas. On va parler vraiment du film comme il est en tant que tel. Écoutez, plein de clichés, c'est assez dégueulasse. Évidemment, les deux clans opposés, des couleurs opposées au niveau des costumes. Les gentils sont en rouge chaleureux, des couleurs chaudes. Ils ont une belle province ensoleillée et tout. Sauf puis les méchants, eux autres, sont en un bleu froid. Leur château est dans de la caillasse, puis dans des montagnes. Dans le château des méchants, là, toujours, là, entre guillemets. Mais bon, ça a l'air froid dans le château. C'est mal décoré, il n'y a pas de lumière. Des clichés ridicules. Parlant de clichés, évidemment, l'histoire d'amour qui est un quétaine consommé. Moi, j'ai rien contre. En fait, c'est pas vrai. Je suis un peu tanné des histoires d'amour au cinéma parce que dans tous les films, il faut en plugger une, malheureusement. Mais habituellement, dans un film, quand ce qui est présenté dans un film sert à l'histoire, même si c'est une histoire d'amour, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, encore là, c'est une histoire d'amour quétaine qui apporte absolument rien au film, qui donne la seule motivation, en fait, au personnage de Keanu Reeves de continuer dans l'entreprise, de participer à cette entreprise de vengeance qu'ont les Ronins. C'est même pas pour venger son ancien maître, là. Parce que sinon, la seule motivation qu'un des personnages a pour le ramener, c'est quand il parle de la fille dont il était amoureux, puis à ce moment-là, il embarque. C'est que c'est un ridicule. Le personnage Keanu Reeves, on l'enlèverait complètement de cette histoire-là. Ça changerait absolument rien au film. D'ailleurs, le Christie de symptômes, ben je comprends, c'est un film quand même. C'est fait par des Américains, entre autres, là. Le Christie de syndrome d'avoir toujours un Américain, un occidental, avec les Japonais dans leur histoire. Keanu Reeves, il est pas bon. On est capable de le dire en le voyant au cinéma, même si on l'entend en français. Keanu Reeves, là, on peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Bon. Il est pas bon. Il a les mêmes expressions faciales que dans La Matrice, le très excellent Keanu. La même face qu'il soit fâché, triste, en train de jouer, la même face, pas intéressant pour deux scènes. Autant l'acteur que le personnage, on pourrait passer outre ce personnage et cette personne-là sans problème dans ce film-là, puis ça changerait absolument rien. Vu que c'est pas un film historique, c'est sûr que j'en reviendrai pas sur les problèmes, la représentation des traditions japonaises et tout. Tu sais, je comprends que c'est une adaptation, donc d'une histoire japonaise. C'est sûr que moi je suis plus friand de ça, donc c'est sûr et certain que ça m'a agacé, mais c'est sûr que pour le commun des mortels qui est moins qui connaît moins ça, ben c'est sûr que c'est moins dérangeant. Mais bon, le costume, le design des costumes, les plus intéressants sont les plus simples, les kimonos de base des paysans, du personnage de Keanu Reeves, beaucoup plus intéressant. Les armures, celles des gentils samouraïs de la province d'Akko, ça avait l'air en plastique, cheapette. Même chose, je trouvais pour les tissus de la plupart des costumes. Les armures des méchants, on va dire, je trouvais avaient plus d'allure un peu. Mais quand même déçu en général. Il y a des scènes qui servent absolument à rien. Vous avez le Zombie Boy sur l'affiche du film, dans les présentoirs, le gars qui est tatoué à grandeur du corps. Ils le mettent dans le promo, dans le film, il est là 4 secondes d'écart pour dire hey, si tu fais là, puis après ça, on ne le revoit plus, tu sais. Mais, tu sais, coup de promo qui sert puis dans le film, il sert absolument à rien. Toute la scène de l'île aux Hollandais où on dirait que toutes les étrangers qu'il y a au Japon sont ramassés là, qui est comme un ramassis de bateaux autour de quai, puis il y a une aréna dans le milieu. Scène qui sert absolument à rien. Aucun développement au niveau des personnages. C'est un film qui dure 2 heures, là, puis je veux dire, il se passe rien. Ils ont pas pris le temps de développer les personnages. Ça reste tellement surface. Il y a des. Non, sans farce, je suis très, très, très déçu de ce film-là. J'avoue que j'avais déjà un a priori, là, face à ce film-là quand j'y suis allé. Je savais que, en tout cas, selon moi, ça allait être mauvais. Ça a été confirmé. Selon moi, en tout cas, toujours selon moi, ça se peut que les gens soient allés et qu'ils ont aimé ça. Mais même les scènes d'action, je les ai pas trouvées si bonnes. Surtout que dans cette ère-là, tout ce qui est informatisé, là, avec les CGI et tout, là, je trouve, on perd beaucoup, beaucoup de naturel au cinéma à cause de ça. Puis beaucoup d'émotions, puis on est moins pris, en tout cas, selon moi. C'est la même chose pour les scènes de combat dans ce film-là. Ça va tellement vite, c'est filmé pour qu'on voit pas les détails. C'est vraiment déçu aussi au niveau de l'action. Et puis écoutez, là, je vais vous faire. C'est niaiseux, là, mais j'ai vu ça pendant le film, là. C'est peut-être moi qui hallucine, là, mais. Là, dans le film, il y a le méchant qui est le rival du seigneur de la province d'Akko. Et là, après la mort du seigneur, il est nommé comme régent de cette province-là en attendant un an de deuil pour la fille du seigneur décédée. Puis après ça, il va la marier. Et là, il est assisté, lui, cet homme-là, d'une sorcière. Une sorcière avec des yeux de couleurs différentes. Donc, il joue le rôle d'un régent d'une province. Pour avoir le contrôle, il devra marier une fille de sang royal, de sang noble de cet endroit-là pour avoir le contrôle. Et il est assisté d'une sorcière aux yeux de couleurs différentes. Et la femme qu'il devra épouser veut en épouser un autre. Je vous dis, Robin des Bois, Prince des voleurs. Les années 90 avec Kevin Costner. Vous ferez la conclusion que vous voulez par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, c'est rapide. J'ai quand même fait presque, presque 10 minutes. Mais voilà, je déconseille d'aller au cinéma voir 47 Ronin. Si vous êtes curieux, attendez, s'il vous plaît, d'aller vous louer ça au Club Vidéo ou sur Illico ou toute plateforme que vous utilisez pour voir le film. Dépensez pas 13, 12, 13, 14, 15 piastres pour aller écouter ça au cinéma, ça vaut tellement pas la peine. Voilà, c'est tout. ce que j'ai à dire face à ce film-là. Scénario cliché, reprise de trucs, comme j'ai dit, pour Robin des Bois, costumes inintéressants pour la plupart, scènes d'action décevantes, beaucoup, beaucoup de scènes inutiles, aucun approfondissement au niveau des personnages. Je parle même pas de l'adaptation de l'histoire des 47 Ronin. Je prends le film comme il est tout seul. Voilà, donc c'était mes deux scènes, comme on dit, en espérant que vous ayez apprécié cette petite critique. Bonne nuit, bon matin, bon après-midi, bonsoir.